Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Cette semaine, on vous fait part de notre étonnement sur la performance d'Axl Rose avec AC/DC. On vous apprend aussi que Joey Jordison ne sentait plus ses jambes avec Slipknot. On est écœuré ben raide de Unlocking the Truth. Et Blaze Bailey veut faire un spectacle unique avec les trois chanteurs d'Iron Maiden. Yes! Parle-moi de ça, un gars qui a des projets comme ça, comme Blaze. Toi, je sais que t'es un homme de projets. T'as toujours, là, t'as plein de projets dans la tête, pis tout ça, pis ça arrête jamais. Tout le temps, oui. Bon, écoute, c'est bon. Écoute, comme on dit, on n'arrête pas le projet. Mais je trouve que c'est une bonne idée d'un sens, d'avoir les trois chanteurs dans un même spectacle. Pas sûr que je voudrais voir Paul Di'Anno, par exemple, parce que je sais pas si tu as vu ses récentes performances. Ses performances depuis une vingtaine d'années. Le gars a plus de voix partout. Il est gros, il est let, il est sa poudre. Tu veux pas voir ça. Hein? Ah, c'est sûr. Moi, avec la première. Tu sais, quand j'ai vu ça, tu sais, je me suis dit, bon, là, il essaie de faire quoi, tu sais, mais je me suis dit, bon, un one-off, là, tu sais, un seul concert avec les trois chanteurs, on célèbre un peu toutes les époques de Maiden. Tu sais, dans le fond, Paul Di'Anno, il a été dans Iron Maiden de 78 à 81. Ouais. Tu as Blaze Bailey, qui a été dans Iron Maiden, lui, de 1994 à 1999. Il a fait deux albums. Quand même, hein, on dirait pas qu'il a fait 5 ans. C'est incroyable, pareil. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que moi, quand on a fait comme notre pacing pour le show de ce soir, j'ai été réécouter les albums de X Factor et Virtual Eleven. Eleven, yes. Parce que moi, dans le temps, là, quand ça a sorti ces albums-là, j'avais un peu décroché d'Iron Maiden, puis ça m'intéressait pas en tout de voir Blaze Bailey chanter là-dessus. Comme ben du monde, ouais. Ouais, comme ben du monde. Puis je trouve quand même qu'il y a des bonnes tunes sur les deux albums, mais je trouve que quand même, celui qui magane pas mal tout l'ensemble de l'œuvre, c'est pas mal Blaze Bailey. Mais tu peux pas blâmer Iron Maiden. Tu peux pas blâmer Blaze Bailey pour ça. Tout ce que tu peux blâmer pour ça, c'est Iron Maiden, parce que le pauvre gars, c'est un bon chanteur. Toi, tu as quand même une voix intéressante. Là, tu me niaises. Hein? Non, là, t'es en train de faire une joke, là. Il y a des caméras ici, là. Ouais, il y a sa saveur. Mais le problème, c'est que sa voix fit pas nécessairement avec le band. Peut-être un peu plus sur The X Factor, parce que l'album avait quand même un ton assez dark, les tunes étaient assez mollo. Sa voix fitait là-dessus. Tu n'avais pas besoin du gros falsetto à Dickinson sur ces tunes-là. En tout cas, moi, je trouvais. C'est un peu moins évident sur Virtual Eleven, mais il y a quand même des bonnes tunes. Je pense à Clansman, entre autres, qui est un classique que Dickinson chantait encore mieux que Bailey quand il est revenu avec le band. Ouais, d'ailleurs, quand il est revenu avec le band puis qu'il a entendu cette tune-là, je suis pas mal sûr que c'était une des premières sur sa liste de l'époque Blaze Bailey qu'il voulait refaire en show, tu sais. C'est sûr. Parce que c'est quand même c'est une grande tune d'Iron Maiden, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est un classique, à mon avis. Fait que je sais pas si ça va avoir lieu, cette affaire-là. Écoute, moi, je trouve que pour faire un seul concert avec les trois, ça peut-être être intéressant, mais comme tu dis, avec Paul Di'Anno, par exemple, là, ça va être un peu plus rough, là, tu sais. Écoute, la dernière fois qu'il est venu en région ici, je pense que c'était en 2005 ou une affaire de même. En tout cas, il était au Palace Arvida, puis il quêtait de la coke à tout le monde. Il essayait de se trouver de la poudre, absolument. Mmh. Tu sais, c'est une luck humaine, tu sais. Ouais, le gars, ouais. Le gars. Ça fait pitié, là. T'sais. Le gars a eu sa part de problème, puis j'ai l'impression qu'il est pas mal plus magané. Puis tu sais, quand tu regardes, mettons, un gars comme Paul Di'Anno, puis mettons, Bruce Dickinson, là, deux castings complètement différents. Même Blaze, tu sais. Autant Blaze, il était cut quand il était avec Maiden à cette heure. Ouh. Ah, il a pris un peu de poids, hein. Il a troqué ses cheveux pour la badane, hein. C'est incroyable, mais il vient à Québec puis à Montréal bientôt, au mois de septembre. Je pense que je vais y aller à Québec. Ouais, je sais, c'est ça, toi. Tu vas y aller, hein? Ouais, pas mal sûr, puis je trouve que ses albums solo, j'en ai entendu une couple, les deux premiers étaient excellents. En tout cas, les autres, je les ai pas entendus. Ouais. Ses premiers albums solo étaient vraiment bons. Mais à Québec, il vient à quelle salle, exactement? C'est Lanty, ça se peut-tu? Ouais, Lanty, exact, ouais. C'est ouais. Ça. Ça m'intéresse, ça. Puis je pense, en plus, c'est un samedi soir, puis tout. C'est une petite salle. D'après moi, il devrait pas mal... il devrait avoir assez de monde, là, mais... Bon, peut-être te ramasser comme un spectacle comme moi, vendredi passé à Propane, avec 20 personnes dans la salle. Oh, shit! 20 personnes! Pourtant, ah, Propane, c'est quand même connu. Ah ouais, man, ça a été une catastrophe. J'étais là avec Bruno, man. Moi, j'étais un gros fan de Propane depuis le milieu des années 90, puis je trouve que c'est vraiment des pionniers du hardcore new-yorkais, tu sais. Absolument. Puis, écoute, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vendredi passé, au Fouf, là, il y avait pas un crisse de chat. En fait, je sais qu'est-ce qui s'est passé. C'est que les trois bands qui jouaient avant Propane, c'était trois bands locaux. Et je pense qu'il aurait dû mettre un ou deux bands locales, puis un autre band, tu sais, une pointure assez forte pour attirer du monde. Parce que là, ça a pas attiré assez de monde, pantoute. Ils traînaient pas un band avec eux autres, pantoute, eux autres? C'est... Non. Ils ont pas traîné de band avec eux autres, c'était juste Propane, puis les trois autres bands, c'était des bands locaux. Puis j'en ai vu deux sur les trois. Il y en avait un qui était quand même très ordinaire en plus, fait que non, ça a vraiment pas été un succès. Dommage. Bonne performance de Propane, par exemple. Moi, ils se sont donnés pareil, même s'il y avait 20 personnes. Ben, tu sais, dans ces shows-là, tu sens que le band, tu sais, Propane, c'est un band qui roule depuis assez longtemps pour donner un spectacle, même s'il y a pas grand monde en foule, puis jamais. Pis ça, j'adore ça quand un band ne fait pas mention, il y a donc ben pas beaucoup de monde à soir, ou tu sais, What's up Montreal, où c'est que vous êtes, vous dormez, ou tu sais, des espèces de calls de même, là. Ouais, ça, ouais, me fait chier quand ils font ça. Pis, écoute, faut respecter au moins 20 personnes qui sont là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, les autres qui sont pas là, c'est en crise que tu chantes. Ouais, c'est ça. Puis Propane est arrivé, puis belle énergie, ils ont toutes fait leurs affaires, puis. Fait que j'espère qu'il y aura pas le même nombre de personnes à Blaze Bailey. Je te souhaite un beau anti bien plein. Je sais pas, je pense pas que ce soit une grande salle, je suis jamais allé encore, mais écoute, il faudrait que je le fasse descendre au Saguenay et qu'on fasse un épisode de Grand Cardo avec, ça doit être un bon mangeur ça, Blaze Bailey. Mais hein, man, il va rentrer dans ta cuisine, il va ouvrir le frigidaire, man, il va tout manger d'un coup. C'était gros, là. Hey, parlant de ça, là, ça m'amène exactement dans le vif du sujet, parlant de gros, Axl Rose. Oui. On a parlé de Axl Rose dans un podcast précédent quand il était annoncé pour... En fait, c'était juste des rumeurs à l'époque où il était pour chanter avec AC/DC. Et puis, il a commencé, man, son travail. Il a fait plusieurs shows jusqu'à la date. Il reste un stretch d'environ une dizaine de dates aux États-Unis. Puis, étonnement, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai été très étonné de ce que j'ai entendu sur YouTube, la performance de Axl Rose. Oui, vraiment étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant... c'est qu'il respecte les deadlines, il est sur scène à bonne heure. T'as jamais entendu dire qu'il y avait un show des CDC qui était commencé 2 heures en retard. Non, sérieusement, il est discipliné. Puis écoute, ça m'écœure de dire ça, mais il chante mieux que Brian Johnson. Oh, ouais. Tu sais, Brian Johnson, les deux dernières tournées, même, je te dirais, à l'époque, quand Back in Black est sorti, il avait sorti un vidéoclip promotionnel pour la tune Back in Black live. Et puis, il n'était pas capable d'atteindre les hautes notes dans le vidéoclip, cette époque-là. Donc, imagine maintenant, écoute, moi, on m'a dit que la dernière tournée, avant qu'il lâche la tournée, sa voix était totalement atroce. Apparemment, au festival d'été l'année passée, c'était complètement dégueulasse. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Ah oui, OK. Tu sais, il l'avait plus pantoute. Moi, je les avais vus au stade en 2009, je crois, et sa voix n'était pas au rendez-vous, là, pas pantoute, mais c'est un gars comme Angus Young sur le stage qui donne le show, fait que ça compense, mais sa voix, fuck out. Hein. Puis d'ailleurs, mais c'est ce qu'on se disait, tu sais, on se disait, Brian Johnson n'a plus de voix, là, il est sourd, puis ça marche plus pantoute, puis il remplace par un gars, premièrement, un gars à problème, un gars qui... selon les derniers clips qu'on avait entendus, avait plus l'air d'avoir de voix non plus. Pis non plus. C'est drôle parce que moi, je le vois sur stage. Bon, là, premièrement, il s'était cassé le pied, fait qu'il était sur son espèce de trône, là, son trône de Dave Grohl. Là. Ouais. Puis là, il a commencé à chanter là, sous ses deux pattes, là, avec une botte orthopédique. Puis je le regardais aller, là. Et je sais pas, man, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est Angus Young qui a donné une. Angus, qui a donné une claque en arrière de la tête, qui a dit, là, mon chum, tu vas te présenter à l'heure, tu vas faire tes affaires, sinon on te paye pas. Mais il a de l'air vraiment focus à son affaire, il connaît toutes les lyrics, puis ça roule bien. Oui, puis ils font Touch Too Much. Moi, c'est ma tune préférée des CDC. Ça faisait, je pense, 34 ans qu'ils l'avaient pas joué, mais étant donné que c'est la tune préférée d'Axl Rose, ils ont décidé de l'inclure dans le show. Ah, c'est cool quand même. Ils ont commencé à en faire cette semaine. Puis écoute, Axl voulait qu'on retire ses photos de gros tas sur Internet. Mais OK, je prétends pas être le plus beau gars au monde, mais Chris qui est lettre Axl Rose en 2016, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais il y a quand même, j'ai l'impression que cette espèce de petit stretch de show-là, ça lui a fait perdre une petite affaire de poids, parce que si tu regardes des photos d'il y a 2-3 ans, il est moins gras un peu. Ouais, il est moins gras un peu. Il y a encore des petits bourrelets, là, mais pas mal moins pire. Mais en même temps, je veux dire, ces gars-là, dans le temps qu'ils étaient super skinny, là, ils étaient coqués à l'os, mon gars, puis... Ben ouais, ils mangeaient pas. Tu sais, fait que là, en tout et partout, dans le fond, là, il va avoir fait, quand que le stretch, il reste une dizaine de shows à peu près là, aux États-Unis. Là, il a fait des shows en Europe, puis en tout et partout, il va avoir fait peut-être une vingtaine de spectacles. Ouais, à peu près 19 ou 20, ouais. Ouais, avec AC/DC. Puis moi, ce que je me demandais, je me disais, est-ce que tu penses qu'au bout de ce cycle-là, est-ce que ça va leur donner le goût d'enregistrer un petit quelque chose avec Axl Rose, ou pas pantoute, ça va être la fin? Ben, l'autre jour, je voyais une entrevue avec Angus Young qui disait que ce serait intéressant de voir ce qui pourrait arriver avec ça. Parce que c'est sûr, quand s'il était capable de livrer... Axl disait qu'il était intéressé aussi, d'ailleurs. Oui, exactement. S'il était capable de livrer la marchandise live à brûle pour point comme ça, je me dis qu'en studio, ça peut pas être pire, ça va juste être mieux, selon moi. Je verrais pas pourquoi qu'il sortirait pas peut-être un petit EP ou quelque chose, mais en même temps, ça ferait bizarre, je sais pas. Je sais pas. Tu pourrais appeler le EP, je sais pas moi, Chinese Thunderstruck. Ce serait intéressant. Mais tu sais, si jamais ACDC décide de tirer la plug après cette longue carrière, quand même, qui a débuté en 73, oui. 17 albums studio, une vingtaine de tournées. T'sais, on pourra pas chialer qu'ACDC nous chie des mains. Là, Non. Et je peux te dire, là-dedans, il y a plusieurs classiques. Ah ouais, des grands classiques, des grandes tournées. Je me suis promené un petit peu, je suis retourné dans leur World Tour là, des dernières années, puis même de la belle époque. Là. Hey, des hosties de tournées, mon gars, qui finissaient plus. Là, je scrollais ça, man. Il y avait des dates là-dessus, ça avait pas de sens. Oui. Puis c'est intéressant à voir en show. Pas faut que tu les vois au moins une fois dans ta vie. Ah, toujours. Fait qu'on va voir, qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis on souhaite un prompt rétablissement à Axl avec sa jambe, parce que là, c'est pas tout, là. Faudrait qu'il fasse... Il y a de l'ouvrage à faire avec Guns N' Roses, lui-là, là. Ouais, puis j'oubliais de te dire, les premiers shows qu'il a fait avec AC/DC, il y avait comme un genre de chapeau noir, hein. Puis le management des AC/DC, ils ont dit, c'est pas de même qu'on veut que tu t'habilles. C'est vrai? Ouais, ils ont donné des directives. Nice. Parle-moi de ça, du monde qui se tiennent devant Axl Rose. Mais tu vois, c'est un hired gun, hein? Tu sais, c'est comme tu chantes pour nous autres, mais tu vas t'habiller de même. Ben c'est ça, je te disais tantôt que ça me donnait vraiment l'impression qu'il était là. Il te l'avait classé, mon gars, puis il t'avait dit là, tu fais ça, man. T'apprends les tunes, tu sais. Il y a eu du monde. C'est pas lui qui runnait le show pantoute avec AC/DC, là. Non, mais il a l'air heureux quand même. Je pense que c'est ça que ça y prend, Axl Rose. Quelqu'un pour y botter le cul, dire, regarde, là, tu fais ça. Ah ouais, exact. C'est vrai, il a l'air d'avoir du fun de chanter ces tunes-là. Absolument. Ouais, Chris, on est rendu des fans de Axl Rose live, man. Est-ce que ça tourne pas rond dans le monde du... Ça va pas fin en asti, man. Hey, parlant de gars, là, qui a mal à la jambe, là, tu sais, on a tout à un moment donné une petite douleur à la jambe, tout ça. Là, cette semaine, mon gars, on en a appris une bonne. Joey Jordison, ça, c'est l'ex-drummer de Slipknot, lui nous a appris que à l'époque, à la fin de sa carrière avec Slipknot, fait qu'on se dit, mettons, 2010, 2011, 2012, début ouais, 2013, là, ouais. Lui, man, il sentait plus ses jambes pantoute. Il y avait une inflammation au niveau de la colonne vertébrale qui empêchait la communication nerveuse vers certaines parties du corps, dont les jambes, et lui, c'était les jambes. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'il serait parti de Slipknot. Je trouve ça très nébuleux comme histoire, moi, de dire. Là. Ça, je peux te dire, tout de suite, c'est mon prochain dossier enquête. Ouh! Yes! Ça va être big en tabarnak. Parce que moi, là, j'ai de la misère à croire à cette histoire-là. Pas à peu près. Puis je vais te dire pourquoi. Là, il nous sort ça, tout est beau. Hier, dans son speech au Golden Gods Awards, écoute, il y avait larmes aux yeux, tout le kit. Pourtant, quand il est parti ou qu'il s'est fait crisser dehors de Slipknot, on le sait pas encore, rien de ça avait été... Ça aurait été si facile de dire « Hey, je peux plus jouer avec le band, je me sens plus, genre. » Tout le monde aurait dit « oh, toi, Joey, c'est sûr, tu peux plus continuer. Là, il aurait compris pourquoi Slipknot, ça prenait un autre drummer. Mais là, c'était nébuleux. Puis Corey Taylor avait comme laissé sous-entendre que Jordison avait des problèmes de dope. Puis il y avait des rumeurs que la toune de Negative One, c'était écrit pour lui. Donc, tu sais, il y avait beaucoup de spéculations quand Jordison est parti de Slipknot. Et puis, il y a personne qui disait rien quand ça aurait été si facile. Je veux bien croire que le gars a sa fierté, puis il veut pas dire qu'il a mal aux jambes. Mais Chris, c'est toujours bien un bout de laisser croire le monde que tu t'es fait crisser dehors parce que tu prenais de la dope, tu sais. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis, man. Je pense exactement la même affaire que toi. Je pense exactement la même affaire que toi, parce que c'est exactement ça. Quand il s'est fait mettre dehors, c'était très nébuleux. Puis je me souviens encore de l'entrevue avec Corey Taylor, où ce que justement il disait que le chemin entre Joey Jordison et Slipknot s'était séparé, puis que Joey Jordison avait décidé d'emprunter un chemin que Slipknot ne pouvait plus prendre. Puis ça laissait carrément supposer soit un excès d'alcool, un excès de drogue ou quelque chose, voilà. Un problème de comportement. Comme tu dis, ça aurait été si simple dans le temps de dire, écoutez, là j'ai une maladie ou j'ai un disease, je sais pas comment on appelle ça, le transverse myelitis, ça m'empêche de jouer, faut absolument que je me soigne. Puis les gars auraient eu de l'empathie pour lui, tu sais. Ah ouais, là, il avait l'air à s'en crisser totalement, eux autres. Hein? L'autre hypothèse que je me suis dit, c'est est-ce qu'à cette époque-là, il a fait un Jeff Hanneman de lui-même, c'est-à-dire que dans la maladie, il s'est tiré dans boisson puis dans drogue, puis le groupe a juste vu ça alors qu'il y avait une maladie. Ça, c'est une autre possibilité. Mais c'est ton enquête, man, qui va faire la lumière de ça. Absolument, je suis là-dessus, mon homme. Je pense ça direct, là. Je vais l'avoir, la réponse. C'est Anthrax, OK, j'ai pas eu la réponse, mais je sais que c'est une question d'argent. Ça, c'est la réponse officielle que j'ai eue. Exact. Donc, il n'y a personne qui peut rien dire parce qu'il y a de l'argent impliqué. Mais là, il n'y a eu rien en cours. Il n'y a pas eu d'avocat là-dedans. Donc, peut-être que les gars vont pouvoir me parler. Je pense qu'on va commencer avec Jordison. Yes, mon gars. Ça, c'est une belle nouvelle. Mais l'autre bonne nouvelle... par rapport à Joey Jordison, c'est qu'il est très actif présentement. Il a parti deux nouveaux projets. Un bon puis un pas bon. Un bon puis un pas bon. Puis là, j'ai l'air d'un couillon de même parce que je me souviens pas du nom de son bon projet. Mais en tout cas, allez voir sur le site Boulevard Brutal où je vais poster le vidéoclip. J'avais mis le vidéoclip, là, c'était Serpentine. Ben, oui, j'ai le nom sur le bout de la langue. Mais la toune que j'ai entendue était absolument débile. Ah, c'était super, super bon. Puis écoute, un line-up de la mort, on s'entend. Ah ouais. Surprenant aussi, d'ailleurs. Très surprenant. Hey, quand là, tu me dis quelque chose de surprenant, mon gars, là, moi, il y a juste un autre band qui me vient en tête, c'est Unlocking the Truth. Oh. Et ça, pour ceux qui ne les connaissent pas, ça, c'est le jeune groupe, le trio d'adolescents afro-américains qui avait fait sensation il y a quelques années sur YouTube parce qu'ils jouaient sur Times Square à New York. Ils faisaient du rock, tu sais. Ouais. Fait que le monde avait trouvé ça vraiment cute. Ça a fait une grosse sensation sur YouTube, un gros clip viral. Le monde s'était dit, waouh, tu sais, des jeunes comme ça, des jeunes afro-américains qui veulent jouer du métal ou du. Pis ça, mon gars, c'est après ça, là, cette band-là, mon gars, c'est parti en. Hey, ils ont fait l'AV Montréal, c'est parti en spirale médiatique, mon gars, là. Il y a eu comme une espèce de buzz. Tout le monde a comme overhypé ce projet-là, puis le monde ils pensaient, man, que c'était pour être la nouvelle grosse affaire. Ils ont signé un gros crise de contrat avec Sony. Finalement, ils ont quitté Sony après seulement un an parce que les pauvres petits gars, ils trouvaient ça ben trop tough de faire des grands meetings avec les exécutifs de Sony. Je comprends. T'sais, là, il y a un clip de sortie. Ouais, là, il y a un clip de sortie. Là, ils vont sortir leur premier album, Chaos. Le 17 juin. Fait que la semaine prochaine, ça va sortir indépendant. C'est bien, on dit que c'est cute, mais c'est de moins en moins cute. Parce que de un, les gars vieillissent. De deux, c'est cute, mais c'est amateur, on s'entend. C'est totalement amateur, comme band. Ouais, puis tu sais, moi je trouve que ça a été over-hypé, cette affaire-là, dans le sens qu'au début, tout le monde se disait, hey, c'est cool, man. Des jeunes qui veulent triper faire de la musique, ça aurait dû rester là. Ouais. Tu sais, les jeunes qui continuent à enregistrer des affaires, un premier EP ou des affaires enregistrées un peu garage, puis qui continuent leur carrière, comme tout le monde, tu sais. Puis là, mon gars, ça a parti, là, ils ont signé ça, puis tout. Puis moi, je pense qu'ils sont partis de Sony. Eux autres, ils disent qu'ils sont partis de Sony parce qu'ils étaient pas bien traités, puis que les meetings duraient trop longtemps, puis qu'eux autres, c'était juste des enfants, puis ils voulaient faire d'autres choses. Check bien, là. T'as signé un gros contrat, c'est assis-toi, puis endure, Chris. De toute façon, il doit y avoir des représentants. Tu n'envoies pas des enfants face à des avocats. Ah, c'est ridicule, mon gars. C'est... Au début, je trouvais ça bien sharp, mais c'est qu'il s'est rendu qu'il me tape ses nerfs. Puis là, l'album, dans le fond, il est produit par Johnny Kay. Ça, c'est John Carcassis. Ça, c'est lui. Lui, il a enregistré Megadeth, Super Collider. Il a fait Disturb, Three Doors Down, Seven Dust, Saint Asonia. Fait que tu vois... Mon nouveau band fétiche de marbre, en passant. Il va être au EV Montréal, d'ailleurs. Oui, je sais. Fait que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec un producteur comme ça, ça promet Chaos le 17 juin. Écoute, en tout cas, le réalisateur a tout un CV. Mais tu sais, puis moi, je veux pas que le monde y pense là, que je chie sur un jeune band, puis tu la fais. Moi, j'ai pas de problème là avec ça. Moi, c'est toute l'espèce de machination corporative qu'on a essayé de mettre autour de ça. À la limite, c'est peut-être pas la faute des kids, mais d'un certain sens, oui, parce que là, ils essayent un peu de se mettre en victime vis-à-vis Sony, là, tu sais. Tu le fais ou tu le fais pas, tu sais. Puis à la base, cette band-là avait pas encore l'expérience pour se faire signer, là. Mais preuve que le métal, ça intéresse les compagnies de disques encore, hein. Regarde Baby Metal, eux autres. Ouais, je sais pas, man, si c'est vraiment la musique qui les intéresse plus que le freak show de ce que les personnages représentent. Non, c'est eux autres, c'est l'aspect argent qu'ils voient là-dedans, hein, tu sais. Et en tout cas, ils pensent, ils ont espoir que ça vende. Ah oui, puis le plus beau là-dedans, c'est qu'il y a un projet de documentaire qui a ramassé 55 201 sur Kickstarter. Wow! Tu sais, imagine, c'est ça. Là. C'est qu'ils sont backés autant par des gens qui sont prêts à mettre des millions sur la table pour les signer, mais sont obligés de partir un Kickstarter pour faire un documentaire. Puis ça a été backé par 325 personnes. Ça, man, ça fait 169$. Par personne. Chris, mon gars, le monde est gelé. Okay. Ben ça. Non, probablement que quelqu'un qui a donné 50 000, puis le reste, tout c'est du monde qui a donné une pièce chaque. Fait que grâce à ces 325 personnes-là, c'est cool, Chris, mais on va avoir un petit documentaire. J'ai vu un trailer quand même. Ça, même si le band me fait chier, puis que je suis pas intéressé par le projet, je trouvais que le documentaire avait l'air assez bien quand même. Ben, c'est intéressant. J'ai vu en tout cas. Ça risque d'être drôle. T'sais. On aime toujours ça, les documentaires. Hey, est-ce que tu savais-tu, toi, le bon vieux Nergal de Behemoth était pour sortir un projet country? Puis ce que j'ai entendu, je trouvais ça quand même intéressant. Ben, j'aime le country. Ben oui. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai hâte d'entendre ça, sérieux. Ça va être bien intéressant. Il a fait un espèce de petit teaser de son premier clip sur Instagram. Ça sonne Johnny Cash un peu. Oui. C'est intéressant. Vraiment, non? Je pense que ça va être quand même assez dark. Ça a l'air. Ben écoute, je penserais pas qu'il chante à propos des chevaux puis du coucher de soleil. Non, sûrement pas. Mais j'ai comme l'impression que... Puis là, il n'y a pas de date de sortie. Là. Moi, j'évalue à peu près... Je vais te faire une gageure, là, septembre. Ouais, ben là, c'est des grosses sorties en septembre. Ouais, là, ouais. Scolaire, c'est là que les gros albums sortent. D'ailleurs, Metallica prévoit sortir... leur album cet automne aussi. C'est vrai, qui est en cours de mixage présentement. Ben oui, toi. Hâte d'entendre ça. À quoi s'attendre, hein? À quoi s'attendre? Je peux te dire en partant que ça va sonner à marbre. Pourquoi? Parce que c'est Greg Fiddleman qui le réalise. Ouais. Mais tu trouves que tout ce qu'il a fait, ça sonne la marbre? Ben, Death Maniac, c'était pas terrible. L'album de Slayer qui est réalisé, ça sonnait mal. J'aime pas ce qu'il fait, personnellement. Hein. Il était bon comme quand il était l'engineer de Rick Rubin, mais je suis pas sûr tout seul s'il est capable de faire sonner un band. En tout cas, j'ai pas capoté sur son travail à date. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi non plus, je pense pas que c'était le réalisateur idéal pour eux autres. J'ai l'impression qu'ils ont une bonne connexion avec le gars, puis il est assez malléable pour faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. Mais ça, c'est un autre genre de band, ça lui prend quelqu'un de le pousser dans le cul. Ouais, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai entendu d'autres prods de d'autres réalisateurs, puis ça aurait probablement été bénéfique là, pour eux autres. J'ai hâte de voir. J'espère que ça va être mieux que la toune qui jouait live, le Boys of Summer ou quoi de même. Ouf! Moi, c'est-tu qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse stratégiquement? Puis je suis content qu'il ait pas fait toute une espèce de gros buzz médiatique autour de l'enregistrement avec un site web, puis des vidéos, puis des ci, puis des ça. J'aimerais ça qu'un moment donné, man, là, on se lève un beau matin, paf, le nouvel album de Metallica, il est là avec la pochette, puis tout le kit. Ouais, ce serait cool. J'aime ça, moi, quand il y a des bands qui font ça. Ça a été vu plus dans le domaine de la pop, là, mais là, on le sait qu'il y en a un qui s'en vient, mais qui annonce rien pantoute. Regarde, Radiohead ont pris vraiment tout le monde par surprise récemment. Ouais. Ils ont annoncé qu'en plein milieu de semaine, que jeudi, dimanche matin, ils sortent un album. Tu sais. Ben, ça, c'est le fun. Ben, je trouve qu'ils devraient faire ça. En tout cas, Hetfield a dit qu'il était très, très, très content du résultat de l'album à date. Ouais, mais ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Pas pour dire, hey, je suis vraiment déçu. Là. L'album est fini, mais Christ, que je suis déçu. C'est pas notre Master of Puppets, hein? Je sais pas à quoi m'attendre pantoute, man. Écoute, moi, selon moi, ça va vraiment être un prolongement très, très, très, très linéaire de Death Magnetic, là, selon moi. Ouais. Là. Ouais. Puis, ce qui est pas une mauvaise chose dans le sens où la plupart des gens, ou en tout cas, ont quand même apprécié Death Magnetic dans ce que c'est pour ce que Metallica est capable de livrer. Je l'avais quand même pas pire sérieux. Assez que je me l'achète en vinyle. Mais, l'autre jour, j'ai trouvé ça intéressant. J.J. French, guitariste de Twisted Sister, qui disait « Faut être calme pour un band des 80s de sortir un nouvel album en 2016. » Ouais, j'ai pas trop lu. C'était quoi son argument là-dessus, par exemple? Ben, il dit, le monde, carrément, le monde s'en crisse de tes nouvelles tunes. Non, ouais, il va juste entendre les vieux succès en spectacle. Et voilà. C'est que lui, il dit, c'est la raison pour laquelle nous autres, on n'a jamais fait de nouvel album. Ils ont réenregistré, détruit Stay Hungry, mené en 2010, je crois. C'était vraiment mauvais. Il avait réenregistré Stay Hungry. C'est la vraie merde. Ah oui, il avait réenregistré l'album? Oui, oui. OK, je savais pas. Ça s'appelait Still Hungry. C'était l'album tel quel, mais réenregistré. Dégueulasse, man. Ouais. C'est pas écoutable. Puis là, évidemment, ben, d'ailleurs, il y a un DVD qui sort, là, qui c'est comme le testament de la dernière tournée, parce qu'eux autres, ça finit là. C'est Portnoy qui joue du drum, c'est drôle, parce que Portnoy, il joue exactement les tunes comme elles doivent être. Il est pas flashy pendant tout. Il joue du 4-4, hein, ouais. Ben oui, je pense que c'est pas le temps de mettre des passes là-dessus, là. Oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que J.J. French lui disait que le monde s'en crissait de tes nouvelles tunes. Puis je suis quand même assez d'accord avec lui. Je regarde le dernier Anthrax, je regarde le dernier Slayer, Maiden, selon certains. Moi, je trouve ça quand même pas si pire. Mais il n'y a rien que Megadeth qui me fait mentir un peu, que le dernier album, j'ai trouvé vraiment excellent. Hein. Ouais. Et la plupart du monde, écoute, le monde, ils veulent entendre les vieilles tunes, tu sais. Non, c'est sûr que quand t'arrives dans le spectacle, quand le groupe vient live, le nouvel album vient juste de sortir, t'es pas tant que ça attaché aux nouvelles tunes, pis ça dépassera jamais les anciens classiques là, t'sais, qui ont traversé les époques. Là, t'sais. Mais je pense que c'est plus une initiative du band de dire « Chris, on va continuer d'enregistrer de la musique, on va continuer d'être créatif, puis de proposer des choses. À la limite, si ça vend pas très bien, c'est pas grave, parce qu'à la base... Je veux dire, ces gros groupes-là, c'est devenu des multinationales parce qu'ils ont fait des millions de dollars, mais ça reste quand même 4-5 boys qui sont supposés de faire de la musique pour le plaisir, tu sais. Ouais. Fait que, à la limite, ne serait-ce que pour eux autres, il y a bien des bands qui continuent à dire, gars, nous autres, on fait de la musique pour nous autres, là. C'est. Si le monde aime ça, tant mieux. Si le monde n'aime pas ça, tant pis. Puis j'aime autant voir les groupes continuer d'enregistrer, essayer des affaires. Dans le pire des cas, je veux dire, si c'est pas bon. T'achètes pas l'album, puis quand le band vient live, de toute façon, il va faire 2-3 tunes peut-être du nouvel album. C'est pas mal ça. Puis sinon, comme tu dis, ben quand t'es bien chanceux, t'as un band comme Megadeth ou comme Iron Maiden qui vont te sortir quelque chose de plus que potable. T'sais, moi, le dernier Maiden, j'ai pas accroché dessus, mais après avoir écouté X-Factor puis Virtual Eleven, je me dis, ouais, ils sont quand même bien tirés d'affaire avec leur dernier album. Là, t'sais. Ouais, mais Megadeth, en tout cas, chapeau. Oh, ouais, c'est vraiment bon. Par exemple, il y a une très bonne nouvelle, hein, puis ça, c'est toi, mon gars, qui me soulignait ça. Il n'y aura pas de nouvel album de Fozzy avant 2017. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Hey, écoute, l'autre jour, moi, je suis Chris Jericho sur Twitter, puis tu sais comment que j'aime ça titiller les les gens connus sur Twitter. Oui. Tu sais, Chris Jericho, c'est un heel, c'est un personnage méchant. Puis j'ai envoyé un tweet, j'ai dit, écoute, si tu veux vraiment devenir le top heel de la WWE, tu devrais mettre ton cover d'ABBA pour ta musique d'entrée sur le ring. Le monde taillerait vraiment, man. Il n'a pas répondu. Non, ouais, c'est sûr. Écoute, Fuzzy, là, moi, pour moi, c'est un phénomène parce que je sais que Chris Jericho, c'est quand même un excellent lutteur, là, tu sais, qui a vraiment une bonne popularité. Oui. Mais je me suis toujours demandé, Fuzzy, là, qui c'est qui écoute ça, Chris? Personne n'écoute ça. Qui c'est qui écoute Hell Yeah? Ah, ça, par exemple, il y en a pas mal plus. Ouais. Ben... Fuzzy, sérieux? Jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, je trippe sur Fuzzy. Non, jamais. Hell Yeah, à leur défense, ils ont quand même profité d'un bon fanbase de Mudvayne pis de Pantera, tu sais. Ouais, mais ils ont scrappé aussi, en tout cas. Je me suis essayé sur le nouvel album dernièrement, il est sur Spotify, j'ai écrit, écoutez ça, Gaulis. Undeniable. Ah, ouais. Ah, c'est du gros métal rock américain au coton, là, tu sais. Ah, moi, je suis pas capable. Mm-hmm. Mais Fuzzy, c'est ça, c'est que le dernier album, là, s'il y en a des fans, dans le fond, qui nous écoutent, hey, dites-le. Ça se pourrait. Vous ben oui. Premièrement, dites-nous-le que vous aimez ça. Puis, puis c'est ça, je vous annonce qu'il n'y aura pas d'album avant 2017. Le dernier album date de 2014. Ça, c'est Do You Want to Start a War? Puis ça, cet album-là, quand même, avait vendu 5600 copies aux États-Unis dans sa première semaine. Wow! Quand même pas pire. Quand même incroyable, mais il y a une raison à ça. Ben, il y a deux raisons, en fait. Jericho lutte pas mal ces temps-ci. Et puis, Fuzzy, au début, ben, en fait, c'était plusieurs membres de Stock Mojo. Oui, j'ai aimé cette bande-là, moi, dans le temps. Et puis, ils ressortent de quoi, là? Ah, ouais, c'est plus comme avant, man. Ça a ben trop changé. Oui, mais c'est là, le focus est sur Stock Mojo en ce moment. Ah, OK, OK. Je sais pas si l'ancien chanteur va revenir, parce que c'est jamais bien gros le chanteur. Je sais pas. J'ai jamais suivi ce band-là. Ouais, ben, c'était pas mal du genre de rap metal. Je suis pas trop fier de dire que j'écoutais ça, mais j'en ai écouté. Qu'est-ce que je te dise? Mais, mais c'est on ça. On a tous nos mauvais côtés. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, Chris Jericho a quand même une énorme tribune du fait que c'est un lutteur. Fait que j'imagine qu'il a été chercher aussi des curieux avec son band. Fait qu'il y a 5600 poissons aux États-Unis qui ont acheté l'album dans la première semaine, Do You Want to Start a War? Fait que, au moins, c'est correct qu'on a la paix avant 2017, mais c'est pas si loin que ça, 2017, quand tu penses à ça. Là. Pas une grosse nouvelle. Le fameux cover de ABBA était sur cet album-là. Ah oh, ouais, man. SOS. Ah. C'est du gros caca. C'est du gros caca. Il y a eu deux beaux spectacles qui ont été annoncés, man. Le retour de Ghost au Metropolis à Montréal le 11 novembre prochain. Ça va être dans le cadre de la tournée de Pop Star Tour 2016. Ouais, qui risque d'être apparemment différente de ce qu'on a vu à date. Très intéressant. Nouveau stage, nouvelle expérience, des nouvelles tunes, parce que juste avant le stretch de ces 41 dates-là, en Amérique du Nord, ils vont sortir un EP avec des nouvelles tunes, probablement juste des covers, peut-être des nouveautés, on ne sait pas. Fait que ça, c'est intéressant parce que Ghost a annulé leur présence au EV Montréal. Ça, j'étais très, très, très déçu. Puis je pense que c'est pour finaliser justement cette EP-là puis la tournée qu'ils ont annulé ça. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça rentrait vraiment en conflit. C'est probablement pour cette raison-là. Ouais. Parce que leur stretch de show cet été finit, je pense, le 27 juillet. Quelque chose comme ça. Probablement qu'ils ont voulu se garder le mois d'août. Pour aller en production de l'album pis tout ça, pis écoute, la tournée commence octobre, je pense, là. Fait qu'il faut qu'il se grouille. Ah ouais, c'est ça. Hey, c'est un band, man, qui. Je checkais ça, là. C'est un band qui chôme pas pantoute, man. Toujours en tournée. Je pense qu'ils réalisent. Il y a un hype alentour de Ghost, puis eux autres, ils veulent en profiter. T'sais, ils sont productifs là. Aussi bien y aller là, pendant que ça fonctionne, que maintenant, t'sais, ils savent que. Il y a un aspect quand même gimmick dans dans Ghost avec les costumes et tout, et le fameux anonymat. Oui. Mais je pense qu'ils profitent, ils surfent sur la vague. Puis heureusement, ils font encore de la bonne musique. Le dernier était écœur, hein? Écoute, je pense qu'ils se disent, bon, tant que ça pogne, on fonce. Hein? Moi, je trouve ça assez remarquable que rapidement comme ça, t'sais, ils viennent juste de faire la tournée du nouvel album. Mm-hmm. Puis là, mon gars, cet été, ils vont faire plein de festivals. Puis là, mon gars, il annonce ça de Pop Star Tour 2016. T'as l'impression que c'est une tournée d'un nouvel album, t'sais. C'est lancé de même, mon gars, 40 dates en Amérique du Nord avec un beau visuel, puis une belle thématique, puis... Ouais. Il y a donc déjà un nouveau design de stage, une nouvelle expérience. Les gars, my God, les gars, ils se donnent en tabarouette, là. C'est sûr que je serai pas là parce que j'ai un gros projet dans cette date-là exactement, mais c'est un show que j'aimerais voir, puis espérons qu'ils vont faire des DVD ou de quoi de même de cette tournée-là, ce serait le fun. Il y en a pas encore de Ghost, d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Ça serait... C'est, ouais. Je pense que t'as un bon feeling. Moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont filmer de quoi, hein. Ça en prend un, là. Un album live, avec un DVD. Let's go. Oui, parce qu'il disait justement qu'il n'avait pas encore atteint exactement ce qu'il avait en tête au niveau scénique. Puis que probablement, justement, que la prochaine tournée, là, il mettrait le paquet pour vraiment amener une expérience, là, tu sais, l'expérience aux gens, l'expérience ultime Ghost, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Et aujourd'hui aussi, il y a Opeth et The Sword qui ont annoncé qu'ils vont être le 4 octobre au Metropolis. Puis ça, c'est rare, man, qu'il y a juste 3 dates d'annoncées pour le North American Tour. Puis Montréal est là-dedans. T'as Montréal, Toronto, Vancouver. D'habitude, Montréal, là, des fois, ça arrive plus tard. Puis les premières dates qui sont annoncées. Les chances que je sois là, man, sont très, très, très, très, très, très minces. Parce que même si je respecte beaucoup Opeth, la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, qui ont fait bien des nouvelles tunes, man, j'ai pas accroché pantoute. Bon, moi, ça m'intéresse pas pantoute. Non, c'est ça. Il y a Tribulation qui m'intéresserait. Oh, Tribulation, man, à la Sala Rosa. Quelle belle place pour avoir cet orchestre-là. La Ruelle! Quel bel endroit. Mais... Ça va être extraordinaire, man. J'aimerais tellement ça voir son show, man. En plus, il y a Horrendous, je pense, qui sont en tournée qu'eux autres aussi. Exactement. Wow, quel beau line-up. Écoute. Faudrait vraiment que tu t'organises. Faudrait que tu fasses tout en ton possible pour pouvoir être là, selon moi, là. Ouais. J'avais le goût d'aller voir ça. J'avais le goût d'aller voir Necronomicon aussi en septembre à Montréal avec, pas 1349, mais Marduk. Ah oui. Oui, c'est une belle grosse tournée, ça. Hey, ça va être malade, ça, même. J'ai beaucoup aimé le dernier Marduk. Oh, moi aussi. Il est très, très bon. Puis il y a 2 bons groupes qui se sont ajoutés à la programmation du V Montréal 2016. Ça, j'ai été très surpris, hein. C'est arrivé, mon gars, comme un cheveu sur la soupe. Napalm Death et Cult of Luna, groupe qui a joué rarement à Montréal, ça. Oui, en plus. Ouais. J'ai hâte de voir Cult of Luna dans un contexte de festival, par exemple. Oui, j'avoue, pas de, hein. Pas de la musique de festival, ben, on s'entend, hein? Non, j'avoue. Ben, tu sais, man, c'est la petite scène, mon gars, puis un petit peu peut-être... Là, je sais pas, ça va être un nouveau setup, mais... J'imagine, selon... Moi, je mettrais ça plus en fin de journée. J'essaierais de créer un mood un peu avec ça, là. Tu sais, c'est pas ça à 2h l'après-midi, là, avec ton gros soleil, ben non, là. Tu tires dans le pied, là, tu sais. Ouais. Mais, écoute, Napalm Death dans un... Ça, c'est un band de festival, moi, je trouve. Oh, ouais, clairement, mon gars. Clairement. Écoute, Barney est tellement hallucinant. Écoute, je veux voir ça, là. Ah, c'est clair. Hey... Quand on parle EV Montréal, OK, puis on parle festival, moi, il y a juste, mon gars, une chose qui me vient en tête, c'est la bonne bière. Yes. Et là, il y a un gars, Reed Mullen, de Corrosion of Conformity. Ça, c'est le batteur, man. Lui, ça a l'air là, qu'il fait la brosse, il passe à la brosse, mais pas à peu près. Solide. Reed Mullen, je pense qu'il veut mourir, ce gars-là. Explique-nous donc ce qui est arrivé au bon Reed dans la tournée de Corrosion of Conformity. Ils sont en tournée présentement avec Lamb of God. Ben, écoute, il a tellement pris une brosse solide. Apparemment, il était sa brosse depuis plusieurs jours, voire semaines. Et puis, il a carrément eu... comment que je pourrais traduire ça? Un Caesar? Je sais pas. C'est pas un genre d'ACV, ça? Ouais, c'est comme un genre d'ACV, oui. Ouais. Tu sais, parce que... Il a carrément écrasé. Là. Oui. Tu sais, mais écoute, il a déjà recommencé. Il a arrêté peut-être 3-4 jours, il a été hospitalisé. Il est retourné avec le band. Calice. Quand même, incroyable, là, le gars. Il slack pas pantoute, un peu comme Phil Anselmo quand il avait fait son fameux overdose. Il avait été 3-4 jours arrêté, puis paf, il a recommencé. Ah, ces gars-là sont pas arrêtables, man. À la limite, il va... une bonne journée, man. On va se lever, on va aller sur Internet, man. Puis il va être mort d'une overdose ou. Ben, il va être... le gars, depuis être jeune, Reed Mullen, Corrosion, ça existe. J'étais ticu quand ça existait. Tu sais, c'est que. Il doit avoir une cinquantaine d'années facile. Ah ouais, man. Et, écoute, il a le coude léger. En tout cas, je lui souhaite le mot de Cambrosse. Ah ouais, écoute. Les abus de boisson, mon gars, c'est jamais bien bon, mais quand tu te rends là, je me dis que tabarouette, mon gars, t'es vraiment passé au niveau supérieur. Là. Moi, tu sais, j'en ai pris une coupe de brosse dans ma vie, mais jamais, jamais autant que ça. Tu sais, vraiment, là, je me dis, ton corps est crissement magané. Hein. J'espère qu'il... Tu sais, il te donne le message, ton corps. Arrête! Oui, arrête! Ouais, c'est assez, man! T'as assez bu, Chris! Mais le gars, il appogne pas. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite des choses. Puis, tu sais, je veux pas. Les gars de Corrosion, ils devaient être en crise, man. Ben, c'est sûr. Écoute, c'est une belle tournée pour dépannés, eux autres. Ils se sont dépannés avec les drummers de Clutch puis de Lamb of God, Chris Adler. Oui. Et les gars, il a fallu qu'ils apprennent les tunes à la dernière minute. Puis, hey, c'est pas évident, hein. Tu sais, c'est pas évident pour le band. C'est pas évident pour les bands qui jouent avec eux autres. Tu sais. Les autres, ils voulaient pas quitter la tournée. Heureusement, des bons gars comme Adler et compagnie ont dit oui, on va le remplacer à pied levé. Mais écoute, c'est pas une situation le fun. Puis c'est la deuxième fois que ça arrive, en plus. Ah, clairement. C'est arrivé, je pense, en 2010 ou quoi de même, où ce qu'a fait un autre seizure comme ça de poisson. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Calice, il va mourir, man. Il va faire comme. Il va mourir d'une cirrhose, mon gars, comme Jeff Hanneman, c'est sûr et certain. Ouais, ça. Ouais. Il va finir avec les yeux jaunes. Ouais. Hey, tu voulais, je sais que dernièrement, t'as parlé un peu, toi, des. Tu voulais nous parler des bands hommage. Ouais. T'avais-tu une crotte sur le cœur concernant les bands hommage? Ben, moi, je jase beaucoup avec les. Jase avec plein de bands, jase avec plein de monde. Puis c'est un sujet qui revient tellement souvent, les crises de bandes hommage. Il y en a que, souvent, dans des festivals, dans des affaires, c'est des bandes hommage qui vont voler des spots sur le bill versus des gens qui se sentent le cul composer leur propre musique. Puis, veux pas, c'est un sujet qui enflamme bien des artistes. Puis, je suis d'accord, OK, c'est le fun d'un band hommage si le band n'existe plus. Tu me dis, bon. Ouais, ça recrée un peu le vibe du passé. OK, Pantera, un hommage à Pantera, c'est pas pire. Le band n'existe plus, tu sais, mais... un hommage à Mon Amour, non. Ah, ouais. Un hommage à... Hey, ça, c'est le plus ridicule des bands hommages que j'ai vu de ma vie. Je pense que je t'en avais déjà parlé. À Jonquière en musique, l'année passée, il y avait un band qui faisait un hommage à Billy Talent et Green Day. Okay, ouais. Il s'appelait Billy Day. C'est vrai, quand même, c'est original. Il aurait pu s'appeler Green Talent aussi. Fait qu'eux autres, ils faisaient des tunes de Billy Talent et de Green Day. Est-ce qu'ils faisaient moitié-moitié de façon consécutive ou ils mélangeaient tout ça? Je suis pas allé voir ça, on a un petit malade. Ah, t'es pas allé. Un moment donné, là, les hosties de ben hommage, là. Ça fera. Donnez-nous un break, s'il vous plaît. Moi, je suis plus capable. Mais je pense qu'il y a une clientèle quand même pour ça, moi. Ah, moi, je sais pas. Je suis plus capable d'en voir un. C'est assez. Ah, moi, je suis pas capable. Moi, c'est... il y a eu une couple de bandes hommages. J'en ai vu une couple de bandes hommages. T'sais, j'étais voir Alcoholica, t'sais, qui font des tunes de Metallica. J'ai vu, bon, il y avait un hommage justement à Pantera. Il y a un hommage à Pantera au Québec qui se promène. Ça a l'air qu'ils sont popés. T'es curieux, tu sais, puis tu dis, bon, ben, si ça donne, je serais curieux de voir comment est-ce qu'ils sont capables de livrer la marchandise. Mais je suis comme toi, là, tu sais, je vais pas me déplacer plus qu'il faut pour aller voir ça. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, des bands hommages sur la programmation du Rockfest. Le Rockfest, c'est la semaine prochaine, d'ailleurs. Oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'ai trouvé que quand tu fais la mise en page de l'affiche, Ça fait vraiment des noms qui flashent, tu sais. Pantera en gros, puis en tout petit à côté, hommage, tu sais. Ouais, mais ça c'est Fantera. Ah, ça c'est un band du Saguenay. J'ai un chum qui joue dans le drummer dans ce band là. Puis eux autres, ils font pas finalement. Ils sont désistés. Ah, ils étaient censés avoir un beau gros set. Le samedi soir, à genre 1h15 du matin. C'est un set de 45 minutes, tu sais, gros kit, là. Ah oui, OK. Tu sais, pour calmer les, calmer les festivaliers, mais tu sais, continuer le party après les gros bands, ce que vous avez du sens. Les bands hommages, ça sert à ça, tu sais. Oui. Mais là, ils avaient crissé le je pense que c'était le dimanche matin à 11h20, une affaire de même, un set d'une demi-heure. Okay. On dit tout le monde va être lendemain de brosse, personne va venir nous voir. Ce que ça donne d'aller faire un set de 20 minutes là, tu sais. Fait que ils se sont fait déplacer. Ils l'ont su la semaine passée, la dernière minute. Fait qu'ils ont démissionné, quoi, ils feront pas. Oui, absolument. Ils ont dit fuck off, Martel. Non. Mais le je pense que c'est le samedi soir, je pense, j'ai vu, parce que moi, j'étais très curieux de savoir si DRI va finalement passer les douanes pour jouer au Rockfest. Ça, c'est la question, man. Hey, ça, man, c'est la question la plus chaude de l'été. Puis j'ai trouvé ça brillant. Ils ont mis DRI le samedi à 11h30 le soir. Fait que DRI peut commencer à faire les procédures pour traverser les douanes le vendredi. Puis là, si ça marche pas, ben, je sais pas comment ça marche. Je peux peut-être se réessayer ou faire venir quelqu'un, puis arriver un peu plus tard. Puis, se cacher dans un briefcase. Ouais, des affaires comme ça. Fait que ça leur laisse une certaine lassitude. Fait que DRI va jouer à 11h30 le soir le samedi. Trouvez ça brillant quand même comme stratégie. Trouvez ça bon? Absolument. Et, écoute, je souhaite aux festivaliers qui vont être là que DRI va jouer, parce que c'est une des rares occasions qu'ils vont avoir de voir jouer live. Ben honnêtement, si c'est la bonne fois pour DRI de rentrer au Canada puis de jouer au Rockfest, c'est une excellente nouvelle, premièrement pour les festivaliers du Rockfest, mais c'est une excellente nouvelle aussi pour l'ensemble des fans de DRI au Canada. Oui. Parce que ça veut dire qu'après ça, ça va être beaucoup plus facile pour DRI de revenir puis peut-être de faire une petite tournée canadienne. Moi, c'est ça qui avait été dit. Ils disaient que s'ils peuvent finalement... Ça sera le fun. Ah ouais, s'ils peuvent finalement rentrer, après ça, ils vont être fichés comme différemment. Puis ils vont peut-être pouvoir prévoir là, une petite tournée canadienne ou faire de quoi de plus en leur nom, là, tu sais. Je voudrais reposter d'ailleurs l'entrevue que j'avais faite avec Kurt Brett un an ou deux. Oui, oui. C'est quand même intéressant, ça. Ben oui, j'ai reposté ça cette semaine, effectivement. Fait que c'est ça, man! Fait que bon festival, puis on se revoit une prochaine fois, là, probablement un nouveau podcast avant 2017. Mais hein, hey, on n'en fait pas souvent en Chris, man. Non, man, on est les nécrophagistes du podcasting. Oui, absolument. D'ailleurs, écoute, j'ai reçu des messages, presque des messages de menace pour avoir un nouveau podcast. J'ai même eu le temps de faire le design du nouveau logo d'un autre podcast. Je sais pas si tu avais vu ça. Non. Radio Enfer 666, c'est moi qui ai fait le nouveau logo. C'est vrai? Ah. Tu iras voir ça. Chris, je vais aller voir ça. Écoutez, si jamais, là, vraiment, il y a des fans qui nous écoutent, puis je sais que toi, là, dans ton coin de pays, il y a beaucoup, beaucoup de fans de Boulevard Brutal du podcast. Oui, il y en a beaucoup. Écoutez, là, si jamais, là, ça vous prend, là, puis que vous en voulez plus des podcasts, là, envoyez-nous un chèque ou donnez-nous un peu d'argent, là, tu sais, ça va faire bouger les affaires plus rapidement, parce que nous autres, là, on est des slackers, man. On va en faire un une fois de temps en temps, puis... Mais on manque de temps, c'ti. C'est toujours le temps qui nous manque. Ben encore toi. À soir, on s'est pogné vraiment sur le fly. Hein. Ouais, justement, là, tu me fais penser, là, faut que j'aille finir Game of Thrones. Fait que merci de nous suivre. Yes, à la prochaine. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête.